Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 80e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette émission, je suis accompagné de Laurent, salut Lolo. Salut tout le monde. Et El Rocco, salut El. Hello. Hello. Comment allez-vous les amis? Bon, ça va, ça va. La chaleur commence à revenir, donc le soleil revient. C'est vrai. Il a plu, donc il va falloir que je tonde. Et puis à part ça, ça va. C'est cool. On est encore à mi-chemin entre la tonte et puis la chasse aux escargots dans le jardin aussi. Ah non, là, on est plutôt. Moi, j'ai plutôt de l'herbe qui chatouille les aisselles de ma fille quand elle court dehors, donc il va falloir vraiment que j'intervienne. Ah, vous êtes vraiment dans la campagne profonde, les gars. La chasse aux escargots, c'est chaud là. Ah, tu peux pas plus la campagne ah, bah, là, que là où on est. Hein, ah, là, c'est un autre level là. Vous êtes. Le trou du cul de l'Isère, ouais, à mon avis, il y a du level. Donc, autour d'un VR, hein, l'émission que vous pouvez retrouver maintenant sur la chaîne YouTube de VR for Player, que vous pouvez retrouver évidemment sur toutes les applications de podcast. L'émission, je le rappelle, qui n'est pas sponsorisée, qui n'a pas de fonds. Enfin, les seuls fonds qui viennent, c'est de notre poche, de nos patrons. Et du coup, vous avez la page Tipeee si vous voulez nous aider et aider à pérenniser l'émission et nous faire acheter du nouveau matos parce qu'il y a le micro de Laurent qui commence à faire grise mine. Partir en couille. À partir en sucette. Donc n'hésitez surtout pas, si vous vous sentez une âme charitable. Sinon, tout ce qui peut aussi nous aider, hein, c'est de partager sur le réseau, de partager à vos amis, à vos connaissances, tous ceux en tout cas qui pourraient être intéressés sur la réalité virtuelle, à noter, à commenter sur le site, sur la chaîne YouTube, et puis à mettre des pouces en l'air, à noter, enfin, bref, tout ce qui est bien pour nous aider. Voilà, ça c'était l'instant promo, ça c'est fait. Maintenant, nous allons passer aux news. Tiens, pour changer, Laurent, on va essayer un truc nouveau, on va essayer les news au début. Alors là, j'ai un panier mais énorme de news. Incroyable, incroyable. Stratosphérique. Stratosphérique. On va commencer par une petite news d'un jeu qui a été annoncé sur Quest 2 au début de la semaine. Mais c'était, il y avait un petit truc de bizarre, donc je veux parler de Ghostbusters qui arrive sur MetaQuest 2. Qui arrive sur MetaQuest 2 et puis ça m'a turlipiné un petit peu parce que Ghostbusters c'est quand même comme Spider-Man, c'est une licence qui appartient à Sony. Et donc Sony s'est associé avec le studio N-Dreams à qui on doit, je sais plus le nom, si vous le savez. Fract. Et donc, Sony et N-Dreams vont sortir sur MetaQuest 2 Ghostbusters. Alors, on n'a pas fait d'article là-dessus parce que c'était pas sur PSVR ou PSVR 2. Malgré tout ça, il y a quand même Sony et N-Dreams qui sont dans le lot. Donc, je trouvais intéressant quand même qu'on en parle, surtout que Sony avait déjà sorti une expérience, je crois, Ghostbusters en AR/VR. C'était plus pour des salles de dans de un jeu. Parc d'attractions, il me semble, voilà, que c'était, ouais. Ça avait été présenté, ouais, et puis il y avait un casque super profilé et tout ça, et donc là, et ben là, ça m'a choqué, moi, que Sony et N-Dreams sortent un truc sur MetaQuest en me disant ben c'est bizarre quand même que ça arrive ni sur PSVR ni sur PSVR 2, surtout que si ça passe sur MetaQuest, ça pourrait très bien arriver sur PSVR. Bref, là-dessus, on sait aussi quand même que N-Dreams ont déclaré il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient en train de développer en ce moment 6 jeux VR, et ils ont également annoncé qu'ils travaillaient sur des jeux, des licences pour le PlayStation VR 2. Pour l'instant, on ne connaît pas les 6 licences, on sait juste qu'il y a Little Cities qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps sur Quest, Fract, donc on l'a eu, Sushi Ben et Ghostbuster VR, et il y en a encore deux qui sont pour l'instant complètement mystérieux, on ne sait pas. Sushi Ben, donc, c'est pas une reprise de manga, ça? C'est pas un manga? Ça ressemble plutôt à un truc de cuisine, le jeu. J'ai pas trop regardé. J'entends plutôt Sushi et Ben, tu vois, donc. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est Sushi Ben. Bon, bah, ça me dit absolument rien. Donc, à surveiller, parce que. Non, mais c'est sushi, le mot sushi, sushi qu'on mange, avec Ben plus loin. Alors, il y avait Ben 10, peut-être, j'en sais rien. Bref, on s'en fout. Mais donc, c'est intéressant quand même, parce que si Endreams ont 6 jeux en préparation, il y en a quand même 2 qui sont encore mystérieux. C'est peut-être ces 2-là qui seront des jeux PlayStation VR 2. Mais le Ghostbuster au milieu, quand même, c'est quand même une licence qui appartient à Sony. Donc, pour que Sony donne l'autorisation à Meta d'utiliser sa licence, c'est qu'il est possible aussi que Ghostbuster arrive aussi sur PSVR 2. Donc voilà, petite parenthèse sur ce sujet, malgré que ce soit pas du tout annoncé sur PSVR, c'est quand même bien étrange. Voilà. Bah, en tout cas, ça bouge et c'est cool, mais il y a plein de trucs qui ont été annoncés justement sur Quest 2. Alors évidemment, on parle pas trop de l'Oculus Quest 2, mais c'est vrai qu'il y a Moss, le livre 2, qui va arriver cet été, je crois, oui, sur Quest 2. Va y avoir plein de choses. Il y a le mode Mercenaries de Resident Evil 4 qui va sortir aussi. Qu'est-ce que t'as d'autre? Je crois que c'est un truc que j'ai pas du tout vérifié. T'as pas un Assassin's Creed aussi? Non, justement, ça c'était les deux jeux. Alors, pas d'Assassin's Creed, pas de Splinter Cell, parce qu'ils avaient annoncé il y a longtemps, fort longtemps que c'était en développement. Justement, il y a eu. Bah, un petit bashing, mais sur les réseaux, les mecs, ils étaient assez déçus qu'il n'y ait même pas ne serait-ce qu'une image ou alors un petit trailer, quelque chose pour donner quelques miettes pour donner à manger, quoi. Donc ça a été un petit peu reproché. Par contre, il y a le jeu, alors c'est Bonework Lab. Ouais, Bonework, ah oui. Ouais. Et c'est la version un petit peu plus... c'est une version licence cette fois-ci, parce que c'était plutôt un truc bac à sable, un genre d'expérience bac à sable. Mais avec quand même un scénario qui s'est développé au fur et à mesure du développement du jeu. Quand ouais, c'était en bêta, il n'y avait rien, et puis après ils l'ont étoffé au fur et à mesure. Quoi. C'était parti d'expérience, après le scénario qui s'est greffé. Bah, ils ont fait quelque chose à part, reprenant toute la base dessus. Mais. C'est pareil, bon, j'ai regardé quand même d'un œil curieux. C'est du Quest, mais c'est plutôt du Quest PC. Link plus. Plus, ouais, c'est du Super Quest, quoi. Alors, je sais pas si c'est, on va dire, leur Quest Pro, le troisième casque qui va sortir. Peut-être qu'il tease un peu. Hein. Peut-être que ça tease là, mais ça me semblait vachement beau. En tout cas, ça donnait l'eau à la bouche. Et. Et ce qui était bizarre, c'est justement que ces jeux-là, tu les verrais bien quand même sur même certains sur PlayStation VR, ne serait-ce que le premier casque. Après, sur PlayStation VR 2, tu les vois tous. Ah, tu les vois tous, carrément. Mais après, tu sens que maintenant les développeurs sont un petit peu plus frileux pour sortir des choses sur PSVR, même s'il y a encore des choses quand même qui continuent de sortir régulièrement. Mais c'est vrai que là, les spots en tout cas sont fixés sur le PC et le Quest 2. Ils sont calmés, oui. Il y a pas mal de jeux qui étaient annoncés sur PSVR et on n'en entend plus parler. Par contre, ils arrivent sur Quest. Il y a Aspyr 2 aussi qui va sortir sur Quest 2. Ah oui, la suite exact. Du Aspyr 1 qui était franchement pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est à peu près le tout, quoi. En tout cas, les principaux. Jupiter Grad 2 aussi qui est annoncé sur Quest et PC VR. Donc voilà, ça bouge pas sur le PSVR principalement, mais en tout cas ça bouge un peu. Bon, sur le PSVR, la conférence était Pro Quest, la place d'un studio. Oui. Ouais. Et puis Fract aussi qui va sortir du coup sur PC, et ça c'est cool. Mais ça on en avait déjà parlé, je crois, il y a 2 semaines, il me semble. Oh, c'est très bien. Voilà. Bon jeu. C'était la petite parenthèse non PSVR. Ah bon, on peut, parce que voilà, comme on dit, le Ghostbuster, il est quand même bien curieux, quoi. Terminer là-dessus, en plus ça a bouclé là. T'as eu un petit teaser où t'as la présentatrice qui repart dans Ecto 1, c'était vraiment très très classe, un gros tease. Je t'avoue que j'ai fait du frame par frame pour voir s'il n'y avait pas genre un petit clin d'œil PSVR 2 ou un truc comme ça, mais non, il fallait pas espérer quoi que ce soit. Non, pour l'instant, c'est verrouillé. Hein. C'est super verrouillé. Ouais. Même s'il y en a certains qui... J'ai déjà vu sur Twitter où ils comparaient un petit peu le casque, parce que t'as le ghost, le fantôme, le logo de Ghostbuster, qui porte deux contrôleurs, de Quest, mais qui s'apparente... Enfin, non, c'est du Quest, c'est sûr. Par contre, le casque, il ressemble un petit peu, quoi. Enfin, faut dire que le Quest 2 ressemble à... un petit peu quand même au PSVR 2. En tout cas, c'est plutôt le PSVR 2 qui ressemble au Quest 2. En moins profilé, ouais. En moins profilé. Donc, il y en a, ils se sont amusés à greffer les petites caméras du PSVR 2, les trucs comme ça pour... Eh les gars, vous ne serez pas en train de faire quelque chose. Les gens ont faim, mais ils ont une force pour essayer. Enfin, j'allais dire pour perdre leur temps à faire ce genre de truc. Bah, c'est pas de la perte de temps, c'est, ouais, c'est de l'amusement, quoi. Je comprends bien, mais. Je pense que c'est aussi. C'est pour susciter une réaction. Je pense aussi de, qu'il y en ait un qui crache le morceau, quoi. Ouais, mais ça arriverait jamais. Ça arrivera jamais. C'est difficile. C'est difficile. Oh, il va bien y avoir un petit stagiaire dans un studio qui va faire quelques photos volées. Ou... Voilà, qui va perdre son emploi, hein, prochainement. Qui va perdre son emploi et être rayé de la carte de toutes les boîtes de technologie en même temps. Si les stagiaires. Wow. Ça vous tente pas de violer le secret professionnel? Allez, les gars. Ah oui, il y en a toujours. Ou un mec mal payé dans une usine chinoise qui va faire des photos sur la chaîne de production. Il va y en avoir. La femme de ménage. On aura peut-être juste. Oui, bah, par exemple, ça c'est courant. Hein, des sociétés qui payent les femmes de ménage pour récupérer les sacs poubelles et pour récupérer toutes les données d'une entreprise, c'est courant. Donc, n'hésitez pas à donner sur notre Tipeee pour qu'on puisse soudoyer une femme de ménage voilà. Et puis l'envoyer comme ça. On arrivera le dimanche, on lui donne 500 euros et en échange, on prend toutes les poubelles de chez Sony pour savoir ce qu'il prépare. Comme plan. On envoie Laurent. Bon, en général, ils ont des déchiqueteuses. Hein, mais bon. Moi, je t'imagine bien en soubrette, Laurent. Ça, c'est... Ah, je me déguise en femme de ménage. Bonne idée. Ça va devenir bizarre, cette émission, je crois. Non, mais là, on gagne du temps parce qu'il y a tellement peu de news qu'il faut qu'on trame. On essaye de dire de la merde, comme ça passe. Ensuite, Laurent, qu'est-ce que t'as? Parce que normalement, il faut en taper dans voilà, le. Voilà, il faut enchaîner parce que là, oui, on va perdre tous nos auditeurs. Donc, je voulais parler de Among Us VR. Pourquoi? Bah parce qu'on sait qu'il arrive sur PSVR, il a été annoncé il y a pas mal de temps déjà. On sait également que les développeurs viennent d'annoncer, il y a pas très en début de semaine également, qu'il sortira d'ici la fin de l'année 2022. Tiens, 2022, fin de l'année 2022. Mmh. Est-ce que ça correspondrait pas à un casque VR attendu en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023? Selon nos sources. Donc c'est Shell Games hein, qui on sait que c'est fin 2022. Ça pourrait concorder avec l'arrivée du PSVR 2. C'est ce type de jeu de toute façon, il sera présent sur la plupart des casques. C'est pas quelque chose qui sera mieux torché sur PSVR 2. En tout cas, c'est intéressant. Et puis bien sûr, ben le studio Shell Games qui a bien confirmé que le jeu arriverait sur PSVR 2. Ça c'est officiel. Du coup, la question c'est on en est où là? Est-ce que ça vaut le coup de se payer un MOS 2, de se payer un Wanderer, de se payer un Among Us sur PSVR si on sait déjà qu'on va se jeter sur le PSVR 2? On en est là, c'est vraiment une phase de transition qui est un peu pénible. On en parle depuis un mois, est-ce que ça vaut le coup d'attendre les derniers jeux qui sont en train de sortir sur PSVR pour des versions améliorées sur PSVR 2? Est-ce qu'on va se jeter sur le PSVR 2? Oui. Est-ce qu'on va en avoir un pour autant? Bonne question. Ça. C'est vrai. Il me semble qu'on en a déjà parlé pendant le podcast et puis surtout on en parle beaucoup sur notre Discord avec les gars de la commu, notamment Philippe qui nous envoie les pépites des annonces. Et ça, ouais, si, c'est sûr, on a déjà discuté les pépites des annonces outrancières sur les sites d'achat. Où tu peux te payer une PS5. La PS5, tu la trouves, hein, y a pas de problème. Hein, mais il faut mettre les moyens avec le siège qui va avec les deux manettes, avec les trois jeux qui t'intéressent pas, avec les recharges de manettes, avec la tasse de thé. Et puis un truc qui m'a fait marrer, c'était une blague hein, qui nous a dit, c'était la figurine de Christine Boutin qui va avec. voilà. Bon, ça te coûte, c'est des packs à 1500 boules. On en parlait la PS5, ce qui est complètement dingue, c'est que il y a eu encore un article sur jeuxvideo.com je crois aujourd'hui. Alors c'est des articles sponsorisés, donc c'est pas pareil, c'est des articles pleins de liens pour générer de l'argent et du trafic. N'empêche que les liens sont réels et donc ils annoncent des gros titres, la PS5 de nouveau disponible machin, et puis quand tu cliques dessus, si tu tombes sur une PS5 à 499 euros seul, c'est vraiment que tu as une sacrée chance de pas possible, parce qu'en règle générale, maintenant, il n'y a plus que des packs. C'est incroyable, tu te retrouves, si tu veux t'acheter une PS5, tu vas être obligé de te rembarquer une télé de 80 pouces à 2000 balles, et là, tu auras une chance d'avoir la PS5. Il y a même les jeux télévisés, alors je ne sais pas ce que c'est comme jeu, j'ai regardé ça tout à l'heure, il y avait 5 000 euros de lot, dont une PS5 dedans. Donc il fallait que tu téléphones et tout ça pour avoir le truc. Enfin, cette PS5, elle est utilisée à... Tu peux vendre n'importe quoi maintenant avec une PS5. Tu veux acheter une maison, tu auras ta PS5 avec. Mais le petit asticot sur le bout de l'hameçon, quoi. Mais bientôt, on va avoir l'offre avec la voiture Sony. Si tu voudras avoir la PS5, il faudra acheter la voiture Sony. C'est dingue. Micromania, cette semaine, ils nous en ont fait un beau, là. Ils ont lancé je ne sais pas combien de packs comme ça, donc avec plein de télé Sony, deux manettes, deux jeux, donc c'était que des packs qui variaient entre 2200 balles et 1700 balles avec la nouvelle télé. Donc il y a des PS5, mais elles sont toutes dans des lots et il n'y a aucune PS5 quasiment seule, et puis quand on en trouve une, on peut allumer un cierge, quoi. Ouais, mais maintenant, ouais, les lots, on va dire entre guillemets abordables, c'est terminé. Maintenant, il n'y a rien en dessous de 1500 euros, ouais, à peu près. Ah oui, c'est des trucs de dingue. Enfin, donc, tout ça, on en a déjà parlé. On avait déjà fait une grosse partie. Je crois qu'il y a deux émissions à peu près. Donc voilà. Vous savez ce qu'on en pense. Faut être raisonnable. Ouais. Faut être aussi un petit peu au courant de comment ça se passe. En fait, il suffirait que les gens achètent pas pour que ça se vende plus. Donc faut faire attention un petit peu à où est-ce qu'on met notre argent. Et pour une console surtout qui est tout à fait dispensable pour le moment, et ça, moi je tiens vraiment à le dire, hein. La console, mis à part quelques exclus pour le moment, avec une PS4 Pro, elle s'en tire très très bien, avec même une Xbox, moi j'ai encore des jeux que j'ai à terminer sur ma Xbox One, qui bug, mais, mais voilà, il y a encore vraiment de quoi faire, donc voilà, c'est une situation un peu débile, quoi. Qui ensuite, Laurent. Oui, ma Xbox One, elle bug. Ça te fait plaisir, hein, hein. Ça te fait plaisir, tu kiffes, hein, quand je dis moque, ça. Non, je m'en moque. Voilà. Mais comment ça se fait ? Ça ne me fait ni chaud ni froid. ensuite, je voulais parler des développeurs de Green Hell VR. Green Hell, c'est la version assez jolie, je crois, du jeu de survie qui est sorti sur PC. Et donc, les développeurs de Green Hell, donc un jeu qui est déjà sorti sur Quest 2, si je ne me trompe pas, et qui va arriver sur PC VR. Qui est en cours. En tout cas, il y a deux versions. Il y a la version Quest 2 et la version PC VR. Je ne sais pas s'il est sorti la version Quest. Il me semble que si, mais je ne suis pas sûr. Bref. En fait, on ne sait pas, je précise, on ne le sait pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de recherche ou qu'on prépare pas les émissions, ce qui est vrai de toute façon. Mais c'est surtout qu'on s'en branle vu qu'on ne gère pas le Quest. Voilà. Je tiens à la rappeler quand même, parce qu'il y en a qui pensent vraiment qu'on est tout casque. Ça nous intéresse pas plus que ça après le reste. Et qui pense que les émissions sont pas préparées. Bah si, si, si. Oh, ouais, alors très préparées. Ça s'entend tout de suite. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que là, c'est des développeurs de Green Hell VR, qui est quand même un studio indépendant qui n'a rien à voir avec Sony, qui a quand même sorti son jeu sur Quest 2 et qui va sortir sur PC VR, qui parle du PSVR 2. Alors, leur approche, ça n'a pas été... ils n'ont pas du tout annoncé que Green Hell VR allait sortir sur PSVR 2. C'est quand même étonnant qu'ils en parlent. Mais ils en parlent plutôt au niveau du marché, globalement. Il a déclaré « Ces solutions seront cruciales pour les progrès du jeu VR, car elles permettront aux développeurs d'inventer de tout nouveaux types d'expériences. » Donc, il parlait du Tempest Audio 3D et de tous les moteurs haptiques, les machins que intégrer. Mais il y a un autre truc qu'il a dit qui était assez intéressant, c'est qu'il a dit que « J'espère certainement que le nouveau casque, donc en parlant du PSVR 2, répétera le succès et accélérera la croissance du marché. » Donc on se répète, mais même les développeurs disent la même chose, c'est qu'un nouveau hardware en ce moment où la VR est assez peu médiatisée, un nouveau hardware va permettre de relancer tout ça. Et donc accélérera la croissance du marché et apportera de nouvelles possibilités en termes de fonctionnalités, d'expérience utilisateur et une nouvelle dose de compétitivité qui stimule toujours l'innovation technologique. Et il a rajouté, ce sera aussi bon pour les développeurs, de nouvelles plateformes signifient de nouvelles sources de revenus ainsi que la possibilité d'élever les normes de qualité. Prends ça dans la gueule, le Quest. Parce qu'on sait que le marché, ben, en ce moment, c'est le Quest. Donc le fait d'avoir un casque qui arrivera sur, soit sur PC, PC VR, soit sur, sur PlayStation 5 avec le PSVR 2, eh ben ça, ça, là, il y a un moment où les joueurs ne vont pas forcément accepter un jeu de Quest 2. Donc ben, ils en parlent aussi. Maintenant, est-ce qu'on peut l'attendre sur PSVR 2 ? C'est quand même marrant qu'il en parle, quoi, quand même. Bah, pour lui, je pense en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il ne sorte pas. Hein. Eh ben, comme oui. Beaucoup de jeux. Voilà, ouais. Et c'est vrai que, vu que c'est un jeu quand même qui est très sensoriel, on va dire, Green Hell, où tu sais que, on en a déjà discuté aussi dans le podcast, c'est un jeu de survie où tu te retrouves en plein milieu de la pampa, enfin en plein milieu de la jungle plutôt. Majo, si tu nous entends. Majo, slip en peau de bête, voilà, courir tout nu dans la forêt. Il se prépare. On les prépare, je pense. Et où t'as des iguanes, des bestioles qui te passent entre les jambes, où t'as la flotte, t'as la pluie qui tombe. Justement, ressentir dans le moteur haptique du casque la pluie qui te tombe sur le crâne, ressentir peut-être un animal, un oiseau qui te passe à côté de l'oreille grâce au son 3D et tout ça, c'est typiquement le genre de jeu justement qui pourrait vraiment bénéficier de ces nouvelles technologies d'immersion, quoi. Et à mon avis, dans un monde aussi vivant qu'une forêt dense, dans un jeu de survie, ce genre de choses-là, à mon avis, ça va être vraiment saisissant, quoi. Ça sera vraiment dommage. Ça peut être sympa, c'est clair. Ça peut être vraiment super sympa. Mm. Donc ouais, je l'attends pas parce que c'est pas mon kiff, ce genre de jeu-là, mais en tout cas, en termes d'immersion, ça va être vraiment quelque chose, quoi. En tout cas, c'est intéressant qu'ils en parlent. C'est pas un jeu annoncé, c'est un jeu potentiel, on va dire. C'est ça. Ils en parlent du bout des lèvres, mais ils en parlent. C'est déjà ça. Voilà. Il y a quand même. Et puis enfin, ben, parler un petit peu de l'industrie, toujours qui tourne autour du PSVR 2. On vous avait parlé de l'usine Gore-Tex. Donc l'usine Gore-Tex, c'est une usine chinoise de laquelle sont sortis la technologie de la puce XR2 Snapdragon du Quest 2. Ils ont aussi produit pas mal de casques Windows Mixed Reality de Microsoft. Et c'est de là que sort l'Oculus Rift, le PlayStation VR, le Quest et le Quest 2. Donc c'est les méga, parce qu'il y en a plusieurs, méga usines de fabrication chinoise spécialisées dans la VR. Donc là, le 26 avril, Gore-Tex a sorti son bilan du premier trimestre 2022. On apprend 2-3 trucs, un petit, bon, on n'apprend pas quelque chose de très croustillant, mais quand même, il y a 2-3 trucs que déjà la firme a fait une augmentation de 46,6% de son chiffre d'affaires sur une année. Que la société est en train de se spécialiser réellement dans tout ce qui touche à la réalité virtuelle, notamment au niveau des optiques. Ils font aussi les lentilles, le montage et ils font plusieurs trucs pour la réalité virtuelle en tout cas. Et donc l'activité de matériel intelligent représente maintenant plus de 40% du chiffre d'affaires total de la société, avec une augmentation de plus de 80% sur une année. Donc ils sont vraiment à fond, Gore-Tex, sur la VR. Et puis ça paye, parce que il y a quelques temps de ça, on entendait des entreprises qui disaient: peut-on encore gagner de l'argent avec la VR? Là quand on voit les chiffres, parce que c'est quand même des sociétés qui sont cotées en bourse, on voit que ça devient vraiment rentable et que là maintenant, oui, on peut parler vraiment de plateau de production sur le marché de la VR. Ça va pas tarder à démarrer. Mais ces gens-là parlaient de production hardware comme c'est le cas ici, ou aussi de production soft? Ah non, c'est uniquement hardware, Gore-Tex. Oui, c'est ça. Eux c'est uniquement hardware. Mais tu disais justement les personnes qui se demandaient si on pouvait encore gagner de l'argent sur la réalité. Il y avait le côté soft où justement le parc n'est pas encore assez développé pour arriver à débourser. Bien qu'il y ait certains jeux quand même qui est, je pense à Beat Saber ou des choses comme ça, qui ont dû rapporter pas mal de pognon. Je parlais plutôt des mecs sur Twitter ou sur les réseaux sociaux qui commençaient: ouais, de toute façon la VR ça rapporte rien, on ira quand ça rapportera. C'est une question à mon avis, c'est mettre un peu la chore avant les... Enfin, je sais pas, c'est une mentalité qui me plaît pas des masses. Alors après, je sais que c'est pas non plus le monde des bisounours, c'est que chaque entreprise de développement, que ce soit hardware ou soft, est là pour gagner des sous. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le monde du jeu vidéo, même en règle générale, tout est fait vraiment pour pigeonner le et harponner le, pour bah, le joueur quoi. Et le client, on pas même plus, on va même plus pas parler de joueur, vraiment de vache à lait. De vache à lait, et c'est même la personne qui n'est pas vouée à jouer aux jeux vidéo et qui n'est pas la cible de ces entreprises là, ben ces entreprises là vont quand même essayer de les tirer par l'hameçon pour les ramener sur ce marché là et que ce soit en termes d'abonnement, que ce soit en termes de game as service, que ce soit, et c'est une tendance en fait justement que qui se disait un petit peu du bout des lèvres il y a une quinzaine d'années et que maintenant on est à fondant avec les NFT, avec les abonnements et puis avec les microtransactions toujours. Enfin, je sais pas, c'est une période qui pue la merde un peu quand même, je trouve, en ce moment à ce niveau-là. Ouais, je dirais pas une période, moi je dirais je dirais que c'est peut-être le système capitaliste qui s'accélère après, trop. Bah c'est le principe. Il s'accélère vachement en fait. Il s'accélère voilà, et justement en temps de crise, on se rend compte vraiment de tous les travers. Et si tu regardes un petit peu, voilà, que tu lis un petit peu entre les lignes, les articles, les déclarations, etc., tu te rends compte vraiment que de plus en plus, les grosses boîtes se cachent de moins en moins pour essayer d'harponner le client. Alors c'est peut-être que je suis naïf ou que ça doit marcher, ça j'en suis bien conscient. Non, le modèle économique, il est tout con. L'année de ton bilan, tu dois faire un meilleur chiffre que l'année d'avant, sinon tes investisseurs perdent du fric. Donc il y a un moment, quand la boîte, si c'est Tesla ou si c'est Facebook ou Microsoft ou des boîtes de cette importance-là, il y a un moment, elles ne peuvent pas monter plus haut. Quoi. Donc il faut inventer des nouvelles conneries pour arriver à grappiller encore plus. Ou alors ça s'écroule. Mais maintenant, tu vois, ça se cache plus. Ouais. Ça se cache plus et c'est mis en avant. Alors que il y a encore quelques années, et ça va être l'instant, l'instant vieux con. Il y avait encore des créateurs qui étaient quand même plus mis. Ça te fait marrer, le reco. Mais c'était encore les créateurs qui étaient plus mis en avant. Tu vois, les projets artistiques dans le jeu vidéo. Wow. On se demandait si le jeu vidéo était de l'art. Ça existe encore. Ça existe encore, bien sûr. Mais c'est de moins en moins mis en avant et au profit du profit quoi. Et parce que le joueur vache à lait, c'est pas le joueur qui existait, c'est pas nous en fait. C'est pour ça qu'on a cette logique de vieux con. C'est que nous on a grandi avec des jeux, ils avaient pas le choix, d'autre choix que de sortir fini et de sortir en physique, parce qu'il y avait pas d'autre moyen de l'avoir. Et aussi, il n'y avait pas de patch Day One ou des conneries comme ça. Maintenant, un jeu peut se permettre d'être sorti à 40%, fini à 40%, d'avoir un gros patch Day One, et puis qui se dilue tout le long de pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Des jeux comme No Man's Sky, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais, ou alors des jeux qui sont juste mis à jour chaque année, les FIFA, les Call of. En fait, c'est le gros, je pense qu'on a l'illusion de se dire que les vrais joueurs, les gros joueurs vraiment passionnés à l'ancienne, ceux qui ont entre 30 et 40 ans maintenant, c'est plus la cible principale. Maintenant, ce sont les plus jeunes, qui ont papa et maman, qui ont pas cette notion de valeur de l'argent, peut-être. Mais t'as aussi les vieux cons, comme nous, qui en ont rien à foutre du jeu vidéo. Ils vont peut-être se prendre le gros jeu à la Last of Us 2. Mmh. Voilà. Mais c'est juste ça. Sinon, chaque année, ils jouent avec leurs potes sur les mêmes jeux. C'est ça. Ou t'as des microtransactions, ou t'as des NFT, ou t'as des trucs. Y a même là le joueur middle, on va dire, tu sais, mi-jeune, mi-vieux. Il trouve, quand j'en discute avec certains qui ont une génération en dessous de moi, il trouve que déjà c'est un peu l'abus, tu vois, les NFT, que genre c'est de la grosse connerie. Mais les gens s'en rendent compte quand même. Oui, mais les gens middle, c'est-à-dire que là, c'est les gens qui sont plus trop jeunes et qui sont pas encore assez vieux. C'est 25-30 ans, tu vois. Donc là, les NFT, on va dire que ça va être le truc abusé comme nous, à l'époque, il y a quelques années, c'était les microtransactions. On en avait c'était plein les DLC, plus. Les trucs comme ça, ouais. Et puis finalement, en fait, c'est rentré. Mais toi, le DLC encore, c'est... Et ça dépend du DLC. Ça a été des scandales et des scandales à répétition. Alors que maintenant, c'est une norme. Ah je me rappelle d'Electronic Arts avec le Battlefront 2, le jeu pay to win à 70 balles. Oh putain, alors là. Moi, je l'attendais comme un dingue avec un pote, mais quand j'ai vu que le truc, je fais, mais attends, mais c'est du foutage de gueule. Bon, gros pigeon que je suis parce que j'aime Star Wars et j'adorais jouer avec ce pote, je l'ai pris. Mais quand on y a joué, c'était surtout pour jouer avec lui et se taper des barres. Mais c'était du pay to win, en veux-tu, en voilà quoi. C'était un système de cartes. Alors déjà, un système de cartes dans un jeu compétitif, où le talent du joueur ne compte plus, mais réellement, t'as la carte moins de dégâts et plus... toi, tu fais plus de dégâts et tu reçois moins de dégâts, tu roules sur les autres joueurs, tu vois, juste parce que t'as payé. Je sais pas, je trouve ça malsain, un peu dommage en fait. C'est pas le jeu de... voilà, on en a déjà discuté. Ouais, mais on c'est va encore faire les râleurs, on n'a pas fini d'en discuter, mais c'est tellement visible et c'est tellement placardé comme ça en face de notre gueule que du coup, Il y a quand même une loi européenne qui bloque les loot box. Donc pour l'instant, s'ils veulent passer outre, il va falloir qu'ils payent des politiciens, je pense. Mais ils ont tenté quoi. Ça n'existe pas ça. Ça reviendra. Ça n'existe pas. Non, j'y crois pas. Je crois en la politique. Bref. Le gros de la thune, c'est les vaches à lait et les baleines, ce qui est les plus gros. Donc le marché chinois, les trucs comme ça. C'est pas prêt de s'arrêter. C'est super. Au niveau vieux con, terminé. On peut revenir à Gore-Tec parce que bien sûr, oui, vas-y, retourne, retourne sur les rails, vas-y. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans ce bilan trimestriel, ils ont mis quand même que bénéficiant de la croissance continue des expéditions de réalité virtuelle, l'activité de matériel intelligent, principalement basée sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, est devenue la principale source de revenus de Gore-Tec. Gore-Tec, c'est aussi une usine qui faisait les écouteurs sans fil AirPods, des machins comme ça. Là, apparemment, ils recentrent vraiment sur la VR, donc c'est intéressant. Et puis, autre chose, il y a Digitimes, qui est une agence de conseil qui est bien placée en industriel, qui a déclaré aussi cette semaine que les expéditions mondiales de produits VR/AR devraient atteindre 19,1 millions d'unités à la mi-2022, une augmentation d'environ 67,5% en glissement annuel. Et la moyenne annuelle composée de taux de croissance de 2022 à 2025 devrait atteindre environ 59,2%. Et alors la petite phrase qui est très importante dans ce que Digitimes a dit, c'est qu'il est prévu que la sortie de nouveaux produits, tels que la version améliorée du Quest 2 et du Sony PSVR 2, en 2022, canalisera une nouvelle expansion de la demande de l'industrie. Donc, qui parle de 2022, la dernière fois on parlait de ceux qui parlaient de 2023... on a fait un article, je vous ai fait un petit schéma sur cet article où on voit un comparatif en fait de l'annonce du logo de la PS5, l'annonce de la DualSense, l'annonce au moment où ils ont montré le design de la PS5 et la sortie officielle, et on a comparé ça avec l'annonce des Sense, donc des Sense Controller VR du PSVR 2, l'annonce du logo, et quand on replace le truc, on se dit que fin 2022, ça reste quand même une fourchette probable, malgré qu'en ce moment, la tendance soit à dire que ce sera pour le premier trimestre 2023, et c'est là-dessus que se termine cet article, c'est surtout pour dire que... Il est quand même possible, enfin moi j'y crois, qu'il y ait une petite quantité de 1 million d'unités qui déboule pour Noël en 2022 et que le gros de la production soit vraiment lancé, on en a parlé dans les autres émissions la dernière fois, soit lancé en 2023. Ce qui veut dire par contre que, comme on a dit tout à l'heure, que ceux qui vont vouloir un PSVR 2 Day One, les tout premiers modèles, ça va être, on va s'arracher, on va se torturer, ça va être la galère pour en avoir quoi. Ça va être la guerre du PSVR 2. Il va y avoir du sang. Du sang, des boyaux et des larmes. Et puis après, de larmes surtout, je pense. N'achetez pas votre télé tout de suite parce que si vous achetez une télé 80 pouces avec la PS5 et que derrière il vous faut une autre télé 80 pouces avec un PSVR 2, vous allez avoir des télés de partout dans la baraque. Eh ouais. Voilà, c'est ça. C'est et vous aurez claqué 5000 balles. C'est le petit conseil VR for Player. Une petite astuce VR for Player. Voilà. Après, tu pourras mettre ta deuxième télé 4K dans tes chiottes, tu vas être super bien. Voilà. Tu mets tes deux télés, comme ça tu fais de la stéréoscopie maintenant qu'il n'y a plus de télé 3D. T'sais. Ouais. Si tu es suffisamment près, normalement, et si tu fermes les yeux comme ça, une paupière sur deux, normalement, après tu peux avoir un effet 3D. Deuxième petite astuce, toi. Bon. Voilà. C'est tout pour les news, mon petit Laurent. C'est tout ce qu'il y a pour cette semaine. J'en ai une toute petite. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que t'en as petite. Oui, on le savait, on le savait. Malgré la légende. Bah attends, Ça c'est fait. Oh. Donc, petite news, bien sûr. Qui est sorti, qui est toute fraîche, c'est aujourd'hui. T'as la mise à jour du jeu qui a pas très bien démarré pour sa version PSVR en tout cas. C'est la mage d'After the Fall. C'est la fin de la saison Front Runner qui est en train d'être finalement bouclée. Donc le studio a balancé une grosse mise à jour assez costaud. Cet après-midi, qui apporte on va dire le contenu supplémentaire et final, avec des nouveaux, enfin pas des nouveaux modes, mais une nouvelle map pour un nouveau mode, des nouvelles armes, des skins, et parmi tout ça, on a au niveau des armes, en début de saison, on avait déjà récupéré genre de pas de Gatling, mais de M60, c'est l'arme de Rambo 2 à la fin. Ouais. Plus un 6 coups, revolver. Et là, on a un Tommy Gun, donc l'arme un petit peu style prohibition de la mafia. C'est pas une mitraillette camembert, non ? Exactement. Ouais. Seulement celle-là, de ce que j'ai vu, les chargeurs sont c'est les chargeurs normaux. Je suis en train d'essayer de chercher à quoi ça peut ressembler une mitraillette. Mais camembert. Si, c'est le chargeur, c'est le chargeur. Le chargeur qui est... camembert. Ah, le camembert, d'accord, ok, le truc connu avec le truc des. Bah okay, oui. De Peaky Blinder. Quand même. Oui. Ah mais non, moi j'ai cherché j'avais un camembert dans la tête et puis je disais merde, qu'est-ce que c'est que son. Non, sinon t'as la mitrailleuse au maroilles aussi, au gruyère. Il voyait déjà faire des raclettes. C'était nul. C'était nul comme van. C'était vraiment pourri. Ah mais ouais, t'as vu quelle heure il est, c'est bon. J'ai faim, c'est tout, voilà. Bon. Peut-être pour ça, puis moi j'aime bien le fromage en plus. Ouais. Donc, on va digresser sur le fromage. Sans le fromage. VR for fromage. Oh, donc le Tommy fromage. Après on a les... Il y a comment les petites fusées qu'on a sur la main, et ils ont ajouté une autre sur la main gauche. Seulement celle-là, c'est pas des petites roquettes, c'est ce qu'ils appellent de shockwaves. L'onde de choc. L'onde de choc, voilà. Ils appellent ça de la gestion de foule, de la gestion de crise. Donc c'est bien ça. Ça étourdit les ennemis, tout simplement. Donc une petite arme supplémentaire pour donner un peu plus de temps aux gars de recharger et puis d'aller chercher des munitions, surtout dans, en mode survie là, qui est très très bien. En cas de panique, ça arrive très souvent. Donc là je pense qu'on va accéder à des niveaux supérieurs au level 30, 40 quoi. Donc c'est plutôt cool. Il y a le Rage Booster, alors c'est la petite seringue qui cette fois-ci te rend complètement taré pendant une dizaine de secondes. Le personnage va devenir, en mode berserk, donc une meilleure cadence de tir, plus de dégâts, moins de recul. Mmh. Donc là c'est pareil, apparemment il parle de qu'un seul mec peut gérer une horde tout entière pendant une dizaine de secondes. Après c'est le retour à la réalité. Donc, et enfin... Dur. Ouais, surtout que en mode le dernier mode tu tiens pas longtemps. Ouais. Enfin, je parle pour moi, mais j'ai déjà vu des trucs avec des mecs qui parlaient le chinois ou le coréen, je crois. Ils géraient le mode nightmare, je sais pas. Voilà. Et enfin, une grenade supplémentaire qui fait un maximum de dégâts sur une petite zone et qui étourdit tous les autres sur une plus grande zone d'impact. D'accord, du bon en tout cas. Voilà, et une nouvelle map PVP. Et tous les bugs corrigés. Ah non, c'est le petit effet. Alors, il paraît, on a vu dans les commentaires du test, que les bugs qu'on a, Majo et moi, sur PS5, donc, ils sont exclusifs à la PS5. À la PS5. Voilà, d'accord. La version PS4 Pro apparemment ne souffrirait pas de crash. Ça c'est intéressant par contre, parce que c'est vrai que nous maintenant on est tous sur PS5 et si moi j'ai encore une PS4 Pro, faudrait que je le teste pour voir. Et ça sera la bonne occasion de se faire une partie ensemble. Moi j'attends que en plus. Moi j'attends que ça, surtout moi la version Master Race, El Rocco la version pourrie et puis puis Laurent la version potable. Pourrie, ouais on peut dire que la version normalement qui devrait être optimisée, c'est la plus pourrie au final, tu vois. C'est dommage hein. Il faut que je m'achète plusieurs PS5, comme ça j'aurai 6 écrans, 6 télé, et je pourrais mettre une console par télé. Tu serais pas mal. Ah ouais, tu serais pas mal. Après, tu revends ta PS5 1500 euros nu. Non, après, c'est mon banquier, je pense, qui va poser problème. Mais bon. Ah. font toujours chier, les banquiers. Ouais, ils sont jamais contents. Ils sont... Non. Ils sont pas très sympas. Bah, en tout cas, le jeu est suivi et c'est cool. Hein. Bah, c'est, le jeu c'est bien suivi. C'est ça qui est, ouais. Qui est étonnant. Donc, bah, je te dis, ils rajoutent ça, nouvel arsenal, nouvelle map. Stockpiles, c'est une map PVP. Donc, bon, le mode PVP, il est pas trop joué. Ouais. En tout cas, sur PSVR. Enfin, sur les autres, je sais pas trop. T'as un mode où t'es seul contre tous aussi. C'est jouable à 8, jusqu'à 8 joueurs. Et c'est un deathmatch en fait. Donc ils rajoutent encore un mode où celui qui atteint 30 kills en premier a gagné. Donc je pense qu'il va y avoir les récompenses qui vont aller avec, des nouvelles armes, skins, etc. 30 kills, tu veux dire Moss 2? Non. Désolé. What? 30 quills. Attends. Non, je vais pas la diffuser. Je vais pas la diffuser, hein, cette émission, je pense, parce que c'est... Mais un bip. De toute façon, il maltraite les souris, lui, il les écrase. Dans les salaud. Oh, mais attends, la chieuse, 6 heures de jeu, il va falloir attendre 4-5 ans pour le dernier livre. T'as fait chier, quoi. C'est ça. Bon, tu veux passer au test, du coup, t'as fini, le Roku? Si tu veux, on enchaîne, là, c'est une bonne transition, je pense. Ah bah, ça, allons-y, bon, ça, après ça le... Ça a presque l'air d'être fait pour. Et même pas. C'est ça le pire. Contre toute attente, non, ça ne l'est pas. Bon, bah, au final... Si, si, tout est écrit. Tout est écrit, tout est préparé. Voilà. Donc, du coup, Alroco, tu allais nous parler de Moss 2, livre 2. Oui, alors... Car ton test vient de sortir. Bah, donc, bon, je refais pas le speech qui a déjà été fait il y a deux podcasts précédents. Donc, bon, un petit peu quand même. Polyarc, le studio voilà, qui nous a développé l'excellent livre 1. Tellement excellent que bah, ça s'est malheureusement enfin dire heureusement et malheureusement je vais parler surtout de voilà, je vais rajouter le petit plus par rapport au podcast 78 vu que je l'ai fini et relativement bien comparé au premier livre, voir s'il n'y avait pas de petites coquilles, des choses en plus, des choses en moins. Alors il y a des choses en plus, ça c'est bien, heureusement. Donc je parle, bah, le jeu c'est, on va dire, c'est quasiment le même en termes de contrôle, de la vue, le type de jeu, ça il n'y a pas de problème, c'est la même tambouille, ils ont reproduit la même chose, c'est excellent. L'histoire est toujours racontée par la petite voix off, voilà, qui, bah, c'est la seule voix du jeu qui prend... qui donne la parole à tous les petits personnages pendant qu'elle te raconte l'histoire, donc ça c'est assez sympa. Comme je dis, ça fait un peu Marlène Jobert qui change légèrement sa voix pour chaque personnage, c'est assez sympa. La musique, toujours aussi cool. C'est la musique de Jason Graves qui fait pas mal de jeux vidéo, pas que. Et bah, il est encore là, c'est quasiment les mêmes thèmes qu'on retrouve. Y a pas Maluka qui est une chanteuse youtubeuse qui s'est fait connaître sur YouTube surtout. Voilà, une chanteuse qui vit au Mexique. Et... Grâce aux reprises de Skyrim notamment, c'était une de ses premières vidéos et qui est magnifique. Et qui a été remasterisée en plus et qui a eu autant de succès. De toute façon, The Time of Aggression, je crois que c'était le titre, il me semble. Ah non, c'est pas. Time of Aggression, c'est World, pas. World of Aggression, je crois que c'était. Pas Dragonborn? Ouais, non, c'était... En tout cas, moi, le morceau que je surkiffe, c'est celui-là, quoi. Ah, c'est le truc Dovahkiin, nanana. Non, c'est pas ça. Ah. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est un morceau tout calme, tout gentil, avec sa voix dessus, c'était... avec la gratte, c'était magnifique, quoi. Ah bah, ouais, bah, il suffit pas grand-chose pour faire craquer les geeks, hein. Voilà. Filmé la dégueulasse, mais par contre, putain, la reprise du morceau était vraiment sublime. Et puis t'as eu des featuring, d'autres qui se sont mis avec et tout, c'est... Alors, franchement, il y a eu une grosse période sur YouTube où on voyait énormément cette chanson-là chantée. Et donc, bah, malheureusement, voilà, y a pas de thème de chanson finale. Bon, ça, c'est une petite déception. Les petits plus, on va dire, graphiques, bah, j'en parle, c'est surtout l'éclairage qui est... je pense légèrement meilleur parce que t'as beaucoup plus d'effets de lumière. Le 1 il était très nature, pénombre, les marées, donc c'était des couleurs assez ternes. Là les couleurs sont beaucoup plus vives vu qu'on... chatoyantes et toujours franchement très très bien maîtrisé au niveau de l'esthétique, c'est impeccable. La direction artistique a pris un petit level, quoi. Ouais, bah on a plus d'endroits fermés, alors sauf pour le dernier niveau. Alors bon, même si le jeu il est sorti de, ça va faire un petit peu, à peu près un mois. Quelques semaines. Bon, j'évite de trop spoiler. Même ne si... spoile pas, s'il te plaît, ne spoile pas. C'est pas pas mon style. Et, oui, parce qu'il y a, eu des joueurs sur Twitter qui ont dit qu'ils l'avaient en prévision, mais que pour l'instant, ils voulaient rien savoir dessus. Sur Twitter aujourd'hui. Exactement. Bon, en tout cas, s'ils attendent, voilà, qu'ils attendent un maximum de tests, vu que je l'ai quand même bien poncé, ouais, le dernier niveau c'est magnifique et ça montre que Polyarch a évolué dans le sens où ils font très attention, ils sont soigneux sur tout ce qui est premier plan, donc le genre de petite maquette maison de poupée, tous les petits détails qu'il y a dedans. Maintenant, le second plan où tu vois carrément des animations. Voilà, je ne spoile pas, mais il y a des animations. C'est dur. La lumière, enfin le ciel. Je peux parler du ciel ou pas? Il y a un ciel. Ça se passe dans le ciel. Spoil. Non, ça se passe. Quoique. Non, mais on va dire que voilà, il se passe quelque chose et le ciel est magnifique. Et tout ce qui se passe au second plan, même si on peut pas interagir avec, c'est. On prend 5 petites minutes histoire de vraiment voir tout ce qui se passe. Il me semble quand même que dans Moss 1, on voyait le méchant du 2 quand même. Dans Moss 1, on voyait le méchant du 2. Je crois que c'est dans le livre où on voit une ombre en train de voler justement dans Moss 1. Ah, oh bah oui, tu le vois dans Moss 2. Tu le vois dans Moss 2. C'est le boss du. Ah, tout le monde est dans le visuel. Je veux dire, si vous avez joué à Moss 1. Tu m'entends rien. Si vous avez joué à Moss 1, vous savez déjà. Et si tu n'as pas joué à Moss 1, tu penses à tous ceux qui n'ont pas joué à Moss 1 et qui sont passés à côté. Arrête, tu commences pas par Moss 2. Tais-toi. Tu commences pas par Moss 2. Ça va être extrêmement pénible. Tu vas pas faire Moss 2 et après Moss 1. Tu veux pas remettre ton flingue dans la bouche là? Bref, donc oui, il y a un autre boss, je pense qu'il va certainement y avoir dans le livre 3 un petit, comment on appelle ça, cliffhanger, je sais plus, voilà, il y a un méchant encore plus méchant, qui est vraiment très très méchant, plus méchant que donc, le 1, la plus fin méchant que le 2. La fin est une virgule, quoi, comme on pouvait s'en douter, c'est au moins sûr. Une trilogie. C'est sûr. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on espère, parce que putain, j'espère que le 3 mérite, sortira pas que sur PSVR. Ça serait pas mal. Déjà, il PSVR dans 5 ans, ouais, ça serait bien. Déjà, ce qui m'a un peu étonné, alors peut-être que c'est par faute de moyens ou je sais pas, c'est pas dans l'ordre des choses, ça viendra peut-être, c'est que le 1, il a été édité en boîte, pas le 2. Et on a posé la question à Perp Games, c'est pas eux qui s'occupent qui s'occupera, toujours les mots sont importants, mais voilà, pour le moment, c'est pas dans les tuyaux. Non. Donc voilà. Ça, et pareil aussi, on a déjà parlé de ce qu'on souhaiterait, une petite compile, au moins Moss 1 et 2 déjà pour PS5, voir. Ah bah la version finale, mais c'est ce qui serait extraordinaire. Moi j'imagine franchement ça, c'est comme pour les films ou quoi. T'as le livre, le coffret, le livre Moss, tu vois, vraiment en collector ou en édition voilà limitée qui serait. Et puis t'as un CD ou trois CD, ou pas forcément ou une statuette en prime, mais vraiment un truc complet sur PSVR2, la version ultime finale. Voilà, point barre, qui coûtera une couille et demie, et puis et qui sera vendu sans exemplaires, sans compter ceux qui seront offerts. Et revendu sur eBay 10 fois plus cher. À des prix défiant toute concurrence, quoi. Parce que déjà, bon, le premier, il commence à coter, mais il est vendu au prix normal, en occasion, en fait. C'est extraordinaire. D'accord, ah oui, d'accord, ok, je vois. Ouais. Voilà, c'est 30, 35 boules, occasion. On peut encore le trouver, mais voilà, c'est genre des versions étrangères. Il y en a, ils sont collectionneurs et un peu plus chiants que moi, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit marqué en français ou alors PSVR, Rocky, enfin bref. Donc, pour les bonnes surprises, il y a ça. Par contre, il y a eu, je pense, une grosse influence du Quest qui est passé par là. Donc, comme je n'ai pas fait la version Quest, mais que je. Polyarch avait communiqué comme quoi il y a des animations, notamment dans le livre, qui n'y étaient plus. Il n'y a plus d'animation dans le livre 2 sur PlayStation VR. Alors, c'est c'est peut-être pas grand chose, dis ouais, t'abuses et tout, c'est rien, c'est qu'un détail, mais les grands jeux, c'est voilà, les jeux cultes, c'est les petits détails. Et puis bah, le PlayStation, détails, ouais. Le PlayStation, le MOS Livre 1, le détail qui m'a vraiment frappé, c'était la physique de l'eau qui est inexistante dans le 2, alors dans que le 2. Dans le 1, mais c'était une physique de malade mental. Et... C'est surtout ouais. Un truc qui choque quand tu les enchaînes, justement, quand tu commences à faire le MOS 1 et ensuite tu fais le MOS 2, et justement c'est une compilation qui arrive hypothétiquement dans quelques années. Si tu vois que ça fait et poum, t'as une petite baisse de régime justement sur le MOS 2 et que t'as des petits détails comme ça, et peut-être même d'autres que t'aurais pas vu ou t'aurais pas fait attention, c'est possible. Et ben, ça choque quoi. Après, le jeu est vraiment similaire, hein. On voit quand Quill passe. Dans les fougères, les trucs comme ça, la physique est légèrement améliorée, mais légèrement. Après, les détails vraiment qui sont downgradés, j'ai celle qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est cette physique de l'eau. Vraiment de celle où il y avait une interaction, c'était le reflet du lecteur, donc l'entité divine que tu incarnes dans le jeu, qui se reflète. Alors ça, c'est bien, c'est assez sympa. Il y en a énormément dans le livre 1, où tu vois un petit miroir, ou alors quelque chose, un objet qui est poli, tu vois ton reflet dedans, donc que seul toi et Quill puissent voir. Dans le 2, c'est pareil. Et c'est à ce moment-là, en fait, que bah, tout m'a sauté aux yeux, comme ça. J'ai fait... Il est bon, mais ça fait chier quoi. Ça m'avait déjà choqué, moi. Ça m'avait déjà choqué quand Polyarc a annoncé justement cette histoire de livre avec les animations qui étaient dans le 1 et qui n'étaient plus dans le livre 2. Ils avaient prévenu à l'avance, donc on le savait déjà. Mais par contre, c'est comment ils avaient présenté le truc. C'est qu'ils avaient dit qu'ils avaient sorti sur PSVR avec toutes ces animations. Et forcément, pour le Quest 2, elle n'y était pas parce que la XR2 n'avait pas la patate de le faire. Et la phrase qui était, je crois que c'est dans le PlayStation blog, disait quand on l'a sorti sur Quest 2, personne n'a remarqué qu'il n'y avait pas les animations. Et là, j'ai fait un bon pas possible parce que si les types ils y ont jamais joué sur PSVR, comment ils peuvent savoir que ça y était sur PSVR? Donc en gros, ça ressemble un peu à putain, on va pas faire ça parce que ça va nous coûter trop cher, ou parce que ça va nous faire chier après parce qu'on va bosser comme des cons là-dessus. Après, on va l'enlever pour le Quest, donc comme ça, on fait une downgrade sur tout. Et on va dire que personne l'a remarqué. Et puis bien sûr, et bah, il va y avoir deux, trois teubés sur internet qui vont dire ah bah non, ils ont dit que personne l'avait vu, donc c'est comme ça. Mais en fait, c'est la fausse bonne excuse. C'est un peu camouflé. Enfin, ça peut être pris comme ça. L'autre truc, c'est qu'il y ait des éléments dans le jeu qui demandent plus de ressources, et dans ce cas-là, ils ont diminué pour. C'est possible aussi, mais bon, entre une XR2 et une puce de PS4 Pro, il y a quand même une sacrée différence. C'est un ratio de 4 fois plus sur une PS4 Pro, donc ça tient pas quand même. Ouais, après, mais ça fait l'excuse du genre, on peut pas faire au-dessus de ça sur le Quest, donc vous aurez forcément des jeux dégueulasses. C'est exactement ce que les développeurs de Green Hell viennent de dire cette semaine, quoi. Faut quand même insister sur le fait que ce sont des petits détails. Hein. C'est dommage, je suis d'accord, et que voilà, comme tu disais, les grands jeux se font par justement les petites finitions, les petits détails dans ce genre-là. Ça n'enlève en rien à la qualité du jeu, non, et au plaisir que tu as eu. Le jeu est la tarte que tu excellent. T'es 8 le jeu et demi est excellent, sur 10. Mais tu sais, je suis d'un tempérament casse-couille. Je pense que tu peux me comprendre. Non, raisonnablement casse-couille. Pas trop, ça va. Non, mais franchement, t'es de la même gêne que moi. À deux, ça doit apporter des choses. Ça doit pas en enlever. Sauf si c'est justifié. C'est-à-dire que si t'as pu les grands espaces parce que t'es dans des châteaux. Je comprends. Mais Papy Say, il va te répondre que oui, bien entendu, à l'époque, faut que dans l'évolution, il y ait justement une évolution et pas quelque chose qui a sur la PS5, il y aura les animations. Maintenant, ouais. Le nombre de jeux, le nombre de FPS que j'avais vu à l'époque, et là, c'est vraiment mode très vieux con, hein, où il y avait un moteur physique et que finalement, ça n'a pas été repris sur des gros FPS à succès. Couloirs complètement bas du front qui ont surcartonné et qui sont sortis bien après. L'histoire du jeu vidéo est pavée de jeux justement feignants qu'on surcartonnait, et puis les développeurs ont eu raison à mon avis de se dire ouais bah c'est bon, si les gens n'ont pas besoin on va pas les mettre, on va pas rajouter ces features là, et puis c'est bon, il y a encore que des gros développeurs comme Rockstar qui peuvent se permettre de faire des couilles qui se rétractent quand il fait froid à des chevaux quoi. Voilà. C'est ce souci du détail complètement extrême, mais aussi qui apporte déjà qui est pas vu par tout le monde et surtout qui apporte aussi un petit peu trop de travail pour rien à des développeurs quoi, tout ce qui est problème de crunch, de problèmes des salariés aussi des développeurs. Donc bon, après je dis pas que c'est le cas de MOS 2 aussi, mais c'est vrai que si tu dois sortir un jeu à une telle date que t'as que t'as un cahier des charges, bah forcément si t'as une deadline, au bout d'un moment faut faire des choix, peut-être que ce genre de petits détails comme les reflets de la flotte de ton reflet ou alors ce que tu disais avec merde, je me souviens même plus le truc que tu me disais. Ah oui, c'était les animations sur les bouquins. Bah peut-être que ça c'est secondaire, et on va le mettre si on a vraiment du temps, si on arrive à le finir en avance, sinon bah ça dégage et puis voilà. Ah d'accord, mais ça fait chier. Mais c'est possible. La version PSVR 2 aura intérêt d'être impeccable. Parce que comme tu dis, tu peux pas je avoir... serai intransigeant là-dessus. Ah non, je suis d'un tempérament très sympa sur PS5, en général. Si on n'a pas les reflets dans l'eau, c'est quand on sera chopé à la... C'est la physique. Mais je vais démarrer le livre 1... Si sur PS5, on n'a pas ça... Ah bah c'est... Eh ben ça veut dire que le Quest... voilà. Je n'en serais pas plus offusqué que ça. Parce que le jeu il reste quand même excellent, hein. C'est un incontournable du PSVR, et puis c'est déjà sympa, c'est beau d'avoir un jeu de cette qualité là à la fin du PSVR. Voilà, pour des jeux ils savent très bien le PSVR maintenant que c'est un casque en fin de vie, donc sortir des jeux de cette qualité là qui demandent beaucoup certainement plus de travail que d'autres, non franchement c'est déjà bien. Mais MOS 2 incontournable, hein. Il est dans les incontournables. C'est bien, mais ça fait rager quand t'arrives à un 9 sur 10 et te dire tu pourrais avoir un 9,5 quand même. Il en aurait perdu un petit peu plus parce que en l'état je pouvais pas parce que comme esthétiquement il était moins bon, je pouvais pas le mettre au même niveau, mais il s'est rattrapé en termes de points par rapport à ce qu'il apportait en termes d'interaction entre le lecteur et la souris, et ça franchement c'est, ils ont quand même apporté légèrement des choses nouvelles. Bon voilà, c'est dans les trailers donc c'est pas de spoil, mais t'as un marteau comment on appelle ça, c'est astral, t'as un marteau astral que tu actives, que tu peux même activer à retardement, tu le poses en fait, Quill pose le marteau à un endroit astral à un endroit, je vais y arriver, et c'est toi qui décides de l'activer avec les gâchettes de ta DualShock, donc ça c'est sympa. Et t'as aussi une compétence, tu peux faire pousser des fleurs, enfin des lianes, et même en tirer une pour faire des ponts, et aussi pour faire des genres de des parois, des surfaces pour que Quill puisse grimper et tout. Et t'as aussi son épée qui maintenant peut avoir une charge qui lui permet de se téléporter, de faire un dash, voilà, et aussi de défoncer les ennemis qui se trouvent sur le chemin du dash. Donc ça franchement c'était super cool, c'est super bien fait, c'est super bien amené, ça reste dans le mystique de l'univers du domaine de Moss, franchement c'est bien, ça travaille un peu le lore, l'histoire, c'est super bien fait, bien amené, utile. Voilà, c'est pas du remplissage basique, donc ça a rattrapé. Sinon il partait sur un 8, qui est quand même une bonne note, mais oui, il était sur un bon point de moins que son prédécesseur, mais ça va. Moi ça j'ai va, vu ton test sauver. J'ai vu ton test, tout simplement. Moi, maintenant, j'ai vraiment envie de craquer. Je me disais peut-être que je vais attendre la version PC pour pouvoir en prendre plein les mirettes. Je me dis que déjà, vu l'aboutissement du jeu, vu comme il a l'air beau sur les capteurs que tu avais fait, Et puis vu comme t'en parles, franchement, mine de rien, mis à part les petits détails. Ah non, je l'ai mangé. Putain, j'ai envie de passer 6 bonnes heures voilà, à kiffer, à en prendre plein la gueule. Et voilà, je pense que, ouais, je vais peut-être craquer en fait. Ah, puis t'as de la rejouabilité si tu veux compléter. Donc t'as des armures. T'as la poussière qui te permet bon, d'ouvrir les portes secrètes là où il y a les armures justement. Et bah, les parchemins qui n'apportent rien, juste d'avoir, on va dire, ah si, ça c'est plutôt bien, c'est sympa, t'as une pièce centrale qui est immense, c'est la pièce centrale du château, et t'as les vitrails qui sont... Les vitraux, pardon, oh, voilà, je suis fatigué. S'il te plaît. Les vitraux qui sont, qui font partie du château, tu vois. Et bah, en fonction de si tu trouves tous les parchemins ou non, bah t'as voilà le vitrail qui est plus ou moins complet. Et quand tu les as tous, pouf, t'as le château qui se reconstruit, quoi. C'est génial. C'est bien ça. Ça c'est des bonnes petites techniques justement pour apporter une plus-value à ta complétion du jeu. Oui, tu sais où tu en es. Tu fais ah merde putain celui-là je l'ai foiré et tout. Et tu peux de toute manière tu peux tourner dans tout le monde de Moss pour y arriver. Et ça puis, c'est bien. C'était voilà. Pas le cas dans le premier ça. C'était vraiment une ligne droite le premier. Ouais. Ouais. Il y avait pas de ouais tu pouvais pas retourner en arrière. Bah il y avait des étapes où tu prenais un radeau, des trucs comme ça, donc ouais, tu pouvais pas revenir. Non, c'était c'était justement d'abord. Ah bah ça, c'est intéressant. Là, c'est encore un truc qui apporte petit plus au jeu, quoi, à la suite. Donc c'est cool. Et puis la soluce est disponible sur Vrac. Donc si vous êtes bloqué, parce qu'il y a des petits parchemins qui sont un peu plus puputes que d'autres, mais voilà. Je vous ai fait ça. Un petit détail. Soluce ultra complète sur Vrac, chapitré, c'est-à-dire que si vous cherchez un truc en particulier, vous avez juste à cliquer sur le chapitre sous la vidéo, c'est tout détaillé. Comme ça, voilà, c'est dans la description. Bah, vous avez pas à vous taper deux heures de gameplay pour trouver ce que vous voulez. Là, c'est tout monté, tout coupé. Il n'y a plus qu'à avaler, quoi. Donc très très bien. C'est très bien dit. T'as vu? Toujours l'élégance avant tout. Et donc, est-ce que t'as fait le tour sur Moss 2? Du coup, je pense que c'est bien. Hein. C'est bien. Donc, c'est bien. Moss 2, c'est bien. Moss 2, 39,99€. Bah, 10€ plus cher, mais c'est un vrai jeu. C'est un grand jeu avec une histoire. Il y a du travail dedans. Il les vaut entièrement. Ok. Bon, en tout cas, ça donne envie. Ça donne grand envie. On va rester dans le monde enfantin, le monde miniature, le monde de la mignonnerie avec Lucky Stale. Cher oui. Elroco, que tu as essayé également. Oui. Tu es un enfant. Ah, je vais m'en servir de l'eau. Donc, Lucky's Tale, du studio Playful Corp, sorti le 7 avril 2022 à 17,99€. C'est un jeu, un platformer classique, action-aventure. Alors, on va dire que. C'est un jeu enfantin de par sa charte graphique. C'est très coloré, mais dans le bon sens du terme. On dit souvent ça pour un jeu un peu pourri. C'est très simple, très coloré. Voilà. Non, il est vraiment mignon en fait, tu vois. Il est super mignon. Au départ, justement, les graphismes, ça peut dire oh là là, c'est pour les gosses. Voilà, c'est simple. Alors oui, c'est simple, mais c'est pas simpliste parce que le je trouve déjà le très très très bon point, c'est que le jeu est bien vivant à l'intérieur. Alors c'est simple, les couleurs sont... Alors c'est justement ce que je pourrais lui reprocher, c'est d'être peut-être un peu trop simple et encore de suivre... Il était sorti sur PC, il me semble, au départ. Ouais. C'était une exclu Oculus au départ. Et qui a dû aussi faire un petit tour chez Quest ou... Oculus. Tout ce qui est Oculus, donc oui, alors, Oculus... Pour les plus jeunes, c'est vrai qu'à l'époque, Oculus, ça s'appelait Oculus, ensuite ça s'est appelé Facebook, puis maintenant ça s'appelle Meta, et puis la prochaine fois ça va encore changer de nom à force de choper toute une ribambelle de casseroles au cul. Mais avant, c'était. À chaque procès, il y aura un nouveau nom. Voilà, exactement. Mais voilà, en tout cas, avant c'était Oculus, exclu Oculus sur l'Oculus Store, et dès que le Quest est sorti, il me semble, parce que c'est un jeu qui est absolument pas gourmand. Non, non. Ça tourne super bien. Du coup, voilà, il est sorti sur toutes les plateformes en fait. Et on est sur du platformer classique. Alors ceux qui ont aimé Astro Bot, ils vont franchement se régaler parce que c'est quasiment la même chose. C'est un jeu à la troisième personne. On contrôle le petit Lucky qui est un renard qui fait des parties, qui s'amuse avec son meilleur pote qui est une tirelire qui s'appelle Piggy. Tellement super potes qui mangent ensemble, ils s'amusent ensemble, ils dorment ensemble. Et c'est pendant la sieste que il y a. Ouais, la genre... sieste. Oui, la sieste. Ils font tout ensemble. Ouais, la sieste, ouais. Ouais, la petite sieste. C'est... Ouais. C'est... Je pense qu'il a un petit peu trop bousculé Piggy et puis voilà. En plus, il met sa queue sur lui pour le réchauffer, tu vois. C'est vraiment très bizarre. C'est, voilà, c'est de super bons potes, tu vois. C'est un petit peu à la Pixar, tu sais, t'as toujours un double sens dans les trucs que les enfants comprennent, les trucs que les adultes comprennent. Mais là, c'est, si on veut chercher genre les doubles sens, les trucs comme ça, franchement... je vais l'expliquer un peu plus après, mais voilà, ton meilleur ami, c'est une tirelire, c'est un cochon rempli de thunes, t'aimes jouer avec la thune qui est à l'intérieur, et quand il va se faire enlever par l'espèce d'octopussy à deux gros yeux et puis moult tentacules. Un truc à tentacules, ouais. Mmh, voilà, en fait, il va falloir récupérer toutes les pièces. Alors, je sais pas comment on doit l'analyser avec notre esprit de vieux con, tu vois. Mais ça parle d'un traumatisme. Ça parle d'un traumatisme quelque part et une quête de la richesse et de l'être aimé, volé peut-être. Oui, voilà. Donc la quête du pognon, quoi, parce que en gros, c'est ça. Parce comme Mario, comme Sonic, comme tous ces vieux briscards là. Voilà. On a été élevé par ça, donc forcément. Ah non, mais Crash Bandicoot, putain, lui, il aimait les pommes. Il bouffe des pommes, il cherche des cristaux. Ah, il cherche des cristaux, mais oui, mais c'est pour ça. Il cherche sa meuf aussi. Il cherche sa meuf. Ouais, ça. C'est putain des bons. Et justement, à chaque fois, la meuf s'est barrée, quoi. Ah bizarrement. Bizarrement. Ouais. Oui, elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Donc, le platformer classique dans des grands mondes. Alors, le jeu il est assez court, il est en 5 chapitres. En 1h30, j'en suis au 4e. Donc, la durée de vie, franchement, c'est. Quand on le fait en ligne droite, c'est 3 heures. Un peu plus, si vous voulez compléter. Alors, il y a du. Il y a pour chaque chapitre est divisé en 3-4 mondes. Et il y a un premier run où on essaye de scorer en fait. Donc en tuant les ennemis, les choses comme ça. Les pièces permettent uniquement de gagner des vies. Un petit peu comme Crash Bandicoot avec ses pommes. À partir d'une centaine, tac, on avait une vie. Comme Mario. Il est très très facile de mourir dans ce jeu-là. On a uniquement 3 cœurs et à la fin, si on fait une chute mortelle, c'est rebelote au dernier point de sauvegarde, là au checkpoint. Et donc il y a ce mode-là, plus où il y a un cadeau à chaque fois planqué. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment fouiller tous les petits recoins, limite se déplacer comme boss. En fait, ce jeu-là prend vraiment toutes les bonnes idées. En esquivant habilement tous les défauts de ces jeux-là. C'est-à-dire que dans Astro Bot, le truc qui me cassait un petit peu les pieds, c'était qu'on pouvait pas, une fois qu'on avançait, on pouvait pas reculer. On pouvait pas reculer, ouais. Aucune marche arrière. Alors le mec avait dit oui, mais c'est pour que voilà, vous y retourniez et tout, si vous ratez un bonhomme et tout. C'est un peu comme l'excuse de Moss, les animations, c'est ça. Donc, sauf que quand tu vois le bot qui est juste derrière toi, t'as un peu les boules. Ah oui, c'est oui, parce que tu l'entends, tu fais oh le bâtard. Donc là c'est un peu la même chose, juste pour le cadeau c'est, ça permet de débloquer, donc c'est du pour les complétistes, ça débloque des petites figurines, il y en a 16 en tout, donc ça donne un petit peu l'ordre d'idée du nombre de niveaux qu'il y a dans à peu près, hein, il me semble, parce que je crois que ça n'inclut pas les phases de boss. Et il y a un mode contre la montre où là il faut rusher, terminer la phase, le niveau en 1 minute 30, un truc comme ça. Et il y a aussi, tu peux le refaire, chaque niveau tu peux les refaire pour trouver uniquement des pièces rouges. Voilà, il y en a 25, 30, 50 à collecter par niveau. Donc en termes de rejouabilité, la durée de vie se situe entre 5 et 6. Voilà. Et donc, j'ajouterais juste que, enfin moi j'adore ce jeu. J'adore Lucky's Tale. Quand j'avais acheté l'Oculus, il était offert avec. Et j'avais été étonné déjà par l'efficacité de ce petit jeu de plateforme enfantin qui m'aurait complètement désintéressé en plat. Sauf qu'en réalité virtuelle, voilà, c'était ultra sympa, c'était coloré, c'était mignon, ça bougeait dans tous les sens. T'as de l'interaction en plus. C'était bien fini. Ouais, super bien fini. Tu le parcours, le gameplay est aux petits oignons, tu le parcours avec plaisir. Et c'est pour ça quand on dit, voilà, tu le termines en 3 heures en ligne droite, même 2h30, 3 heures en ligne droite, mais t'en profites pas en fait. Le plaisir aussi, c'est de retourner dans les niveaux, et c'est comme les Mario en fait, et surtout c'est un petit peu l'ADN des nouveaux Mario qui te demandent de compléter vraiment les niveaux et de les connaître par cœur et d'aller voir chaque petit recoin pour retrouver des secrets. Là, c'est exactement pareil. Et l'intérêt justement de Mario et des plateformers modernes, c'est que le gameplay est tellement propre et tellement au poil de cul que du coup, en fait, c'est un plaisir d'y retourner. Et c'est un plaisir de revenir à ces niveaux-là. Alors, peut-être que je suis pas très objectif parce que vraiment, moi, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu et j'adore surtout la perspective de ce genre de jeu. Enfin, que Lucky's Tale donne au genre plateforme en réalité virtuelle. Et je rage de ne pas en voir plus, comme des Yooka-Laylee, qui sont aussi super bien. Tous les Mario, tous les jeux en 2,5D aussi, qui se prêteraient carrément à la réalité virtuelle et qui sont pas plus développés justement, alors que ça serait des conversions faciles, je pense, pour les développeurs, de pouvoir les proposer sur les plateformes VR. Ah bah, si tu veux en voir, achète Dreams. Alors t'as Dreams. Mais... Ah oui, mais si tu veux genre avoir des plateformeurs exactement Lucky's Tale en version Mario, bien fait et immense, une cinquantaine de niveaux, t'as un mec sur Dreams, il s'est éclaté. Il a pris Dreams, Mario. Dreams a toujours un petit peu l'inertie du personnage que tu contrôles qui me dérange. Et c'est une inertie qui est propre au jeu de Media Molecule que t'avais aussi dans Little Big Planet. T'avais le personnage qui était la petite poupée chiffon là, qui avait une petite inertie en fait qui grandait le gameplay. C'est moi, j'aimais beaucoup. Hein, une physique exceptionnelle, hein. Mais un personnage par moment sur les sauts, on a l'impression qu'il vole. Ah bah oui, lourd. Très dur de gérer le saut, surtout en plein vol. J'avais fait un let's play sur ce Mario qui m'a fait rager, mais d'une force. Mais il était bon, tu vois. Tu voulais terminer le niveau. Mais j'ai pas enregistré les captures comme un con. Voilà. C'est le seul truc voilà, justement qui me gêne sur Dreams. Et moi, je suis sûr quand même que des jeux en plat, des jeux de plateforme, que ce soit des jeux de plateforme 3D ou des jeux de plateforme 2,5D, se prêteraient carrément en VR. Et justement, Lucky's Tale a montré la voie, justement, que c'était possible de le faire, que ça rendait bien, que c'était pas gourmand, que du moment que ton gameplay il est bon, que ton game design et que ton level design est intéressant, et ben ça donne envie aux joueurs d'y retourner. Et putain, ça a pas été fait plus que ça, quoi. Et c'est ça qui manque vraiment à la réalité virtuelle. Et qui me il a poussé le bouchon. Comment il s'appelait le truc de zombie qui était en 2D là aussi Bloody Zombie. Bloody quelque chose. Ouais. Bloody Zombie, ouais. Bah, Bloody Zombie. On avait fait un let's play. Putain, et moi, ça fait des années que je rêve de voir arriver Rayman Legend en VR. Ah ouais. Ah ouais. Je serais comme un dingue. Et il sort le truc, carrément. Mais je suis comme un dingue. Ça serait énorme. Mais comme tu dis, même des bon Sonic, Mario, ça m'étonnerait, mais un jeu qui ressemblera à ça, parce que tu te souviens dans Lucky's Tale, il y a des moments tu t'as dans le niveau donc qui est en 3D comme Astro Bot, t'as des terriers et dans les terriers t'es en vue 2D, ancien jeu de plateforme en 2D, ouais. 3D et ça passe trop bien. Et ça passe super bien, quoi. C'est vraiment, t'es limite un petit peu à la limite comme Moss, tu vois, où tu regardes vraiment tous les petits détails, tous les petits objets et tout. Ça marche trop bien. Ça passe de platformer 3D à 2D, 2D 3D, tu vois, à la Sonic Mario, et c'est génial. C'est franchement génial. Et il y a juste peut-être le truc qui lui dessert un peu, c'est juste parce que c'est Lucky's Tale, c'est pas Sonic, c'est pas Mario, c'est pas Crash Bandicoot, c'est pas des licences qui parlent en fait dans plus grand nombre. Personnellement, moi ça me gêne pas trop que ce soit pas une licence, une grosse licence. Moi non plus, voilà. Du moment que le jeu est bien fait, tu vois, les Yooka-Laylee qui sont plutôt bien, c'est une licence justement des anciens de. Qui avait fait. Merde, l'espèce de d'ours là sur Nintendo 64 avec son piaf là dans le dos là. Gazoué, Kango, Banjo-Kazooie. C'est des anciens, tu vois, les mecs ils savent faire des jeux de plateforme en 3D et ils les font bien et ça rendait super bien en 2D, mais sauf que ça en VR, mais ça te déchirerait quoi. Vraiment, ça serait vraiment faisable. Ça sera vraiment faisable. Ah bah pourquoi est-ce que c'est carrément pas plus fait? Pourquoi, par exemple, des Lucky Stale, des Super Lucky Stale, il y en a d'autres qui ont été sortis en 2D. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas aussi ces jeux-là dans une version VR? Tu sais, en calant un peu plus la caméra, en essayant de travailler un peu plus les effets de caméra, mais ils pourraient le faire. Pourquoi est-ce que des jeux comme, des jeux qui ont déjà été développés en 2D ne sont pas proposés en VR comme ça? Ça a une plateforme. Ça alimenterait à mort le catalogue avec très peu de travail. Le jeu est fait quoi. Ça ferait un carton en plus parce que on le dit depuis je sais pas combien de temps, les jeux les plus vendus, t'as Astro Bot, t'as Moss, t'en as d'autres. Hein. Parce que des jeux d'horreur tout le temps, c'est assez limite quoi. J'ai l'impression qu'un développeur il passe tellement de temps parce qu'il passe sa vie à développer le jeu qu'en fait il prend pas le temps de jouer la plupart du temps. Et j'ai l'impression que tous ces studios, des fois, ils ont des idées reçues sur ce qu'il faut faire en VR. Ou alors, c'est le côté intérêt pour eux, en se disant, putain, c'est de la VR, il faut que ce soit la première personne, il faut qu'on puisse attraper des choses, il faut que... Mais non. C'est l'image de la VR que les développeurs ont. Moi aussi, j'aimerais bien que quelque part, ils prennent des fois... Parce que c'est vrai que dans la dernière émission, je crois qu'on a parlé de trois jeux d'horreur qui allaient arriver dans pas longtemps. Madison, il y en avait deux autres, je me rappelle. Do Not Open, Madison et ils vont complètement saturer le catalogue à nous sortir 15 jeux d'horreur qui vont tous se ressembler, alors que tu balances un petit Lucky Stale ou un petit Rayman ou un petit machin, pouf. Et poum, ça change, je viens de finir un Resident Evil, je vais me faire un petit Rayman. C'est justement cette variété. Si le jeu sort au bon moment, quand il n'y en a pas d'autres à côté, c'est là qu'il va faire un carton. Mais pour te dire, Paper Beast, c'est un extraterrestre, quoi. Et je sais pas, c'est un truc. Quand t'as fait un Firewall, t'as fait un jeu de bagnole, t'as fait un truc, tu fais un Paper Beast, putain, t'es content parce que tu dis, putain, c'est nouveau ça au moins. T'es relax, surtout que tu chill quoi. Ça fait du bien, surtout en ce moment, je veux dire. Avant que je l'essaye, le Lucky Stale, je faisais ça va être pour les gamins et tout. Je l'essaye, ouais, ok. Déjà en plus, j'attaque sur un bug, alors ça m'a rendu fou. Ah oui, il y a un gros bug qui apparemment a été fixé de ce que j'ai pu voir là sur la liste des patchs. Alors je suis en train de me demander, est-ce qu'il faudrait pas l'essayer sur PlayStation 4, 4 Pro? Pour savoir si le bug en fait concerne uniquement cette version là, parce que sur PS5, le jeu il est voix anglaise, enfin tout est en anglais, non sous-titré. Bon, en même temps, il n'y a pas énormément de. Voilà, juste la voix qui te raconte l'histoire un petit peu. Et ça, c'est que dans l'introduction. Mais le jeu, tu peux le switcher en allemand, en coréen, en espagnol et en français. Et peu importe la langue que tu switches, t'as plus de son. Mais plus de son du tout. Tu te fais en off, tout le jeu en off. Ouais, aucun intérêt quoi. Aucun intérêt. Bon, je te dis, hein, je pousse le bouchon de savoir si c'est juste la version française qui s'est. Tu vois, qui s'est prise. T'essayes, tu testes, ouais. Non. J'ai tout testé. Seulement, il faut revenir à chaque fois dans les sauvegardes, supprimer la sauvegarde, relancer le jeu. Enfin voilà, je l'ai fait pour chaque. Ah oui, je suis tenace, moi, je suis très casse-couille. C'est un bug qui s'est retrouvé sur plusieurs jeux, ça. Des versions françaises qui déconnaient, on en a eu un paquet. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un bug dans le dev kit ou une connerie comme ça se font avoir? Oui, c'est fixé, ça a été super fréquent d'avoir des jeux qui coupaient le son quand tu passais à la version française. Donc déjà je commençais là-dessus, mais après en le faisant, et en faisant toutes les petites plateformes, tu sais, là j'ai des petits souvenirs de tous les bons petits jeux de plateforme. Je fais ah, c'est comme ça, ouais, c'est pas mal. Mais putain, mais il est bon ce jeu en fait. Je te dis, c'est vraiment l'impression. Je suis assez friand, ce genre de truc. On a tous été comme ça avant d'acheter un jeu, avant qu'il y ait les bouquins et internet. On regardait les quatre images de merde sur la jaquette, tu vois, ça a de la gueule quoi. Et surtout, on en a tellement bouffé, surtout en plat, des jeux de plateforme un peu enfantin, un peu concon, que maintenant quand t'en vois un, tu dis bah, pff, j'ai peut-être passé à l'âge, ça me fait chier. En VR, non, ça prend une autre dimension, quoi. C'est autre chose. T'es dedans, tu respires, t'es bien, et puis voilà. Et puis en ce moment, ça fait quand même du bien, quoi, tout simplement, on va pas se mentir. Quand mon fils était plus jeune, moi, je passais des heures mais avec Mickey Oswald, c'était sur PS3, je crois, et puis l'autre, c'était les Skylanders. On a passé des heures complètes à mettre nos objets sur le truc, à acheter les jouets. T'as dû redépenser d'études. Je t'en ai des plein cartons des Skylanders. Ah, ça c'était l'hameçon à gosse, ça. Ah putain. Skylanders. Mais par contre, c'est des super souvenirs parce que c'était des jeux où je jouais avec mon fiston qui avait 5 ans et je m'éclatais, quoi. Et tu vois, ce qui est bien en plus avec Lucky Style, c'est que, ok, il est court, ok, tu peux y revenir. Mais il est pas trop dur, tu vois. Il a une bonne progression, gentillet. Il y a des pics hein, quand même. Il y a des pics, quoi. Mais c'est pas du FromSoft qui, voilà, où tu rage quit. Et surtout, c'est pas VenVR qui te fouette avec le marty fouet, avec les clous, tu vois. Ouais. Qui t'arrache la peau et que tu joues ça à côté de ton gosse, il va apprendre des nouveaux mots, ton gosse. Hein. mais des mots qu'il faut pas répéter, tu vois. Donc voilà. Et puis tu vas casser ta télé aussi, comme ça, tu seras obligé de racheter une télé dans un pack. Ah bah je rachèterai une PS5, c'est pas grave. Toujours des solutions. Ok, bah très bien, bah merci pour ce test. Elroco, t'as fait le tour ou tu avais des petites choses à rajouter encore dessus? Non, je pense que j'ai fait le tour, voilà. On va y revenir dessus sur ces jeux là. En ce moment, vu que l'actu elle est pas violente, on va revenir sur quelques. On fera peut-être plus des émissions à thème, notre top des jeux de plateforme enfantin, notre top des jeux. Des ça, jeux c'est bien, les tops. Simples mais pas simplistes, de top. On va s'adapter à l'actu pour tenir des jeux jusqu'à la sortie simples et colorés aussi. Ah bah, on va faire notre top. On a fait le top des jeux de merde, donc il faut faire un top de bons jeux. Remarque, non, il y a eu le top 5 quand même. Il y a eu plein de tops. Il y a eu plein de tops d'ailleurs pour ceux qui nous découvrent. Et on les remercie justement de tenter la chance, de laisser tenter. Attends, qu'est-ce que je veux dire? De laisser sa chance. Voilà. De laisser tenter la chance d'acheter don duquel autour d'un VR, enfin bref, merde. Ça y est, pris dans une boucle temporelle. D'essayer de nous écouter. Il a bugué. Que oui, si vous voulez, c'est la numéro 80 d'émission. Si vous voulez retrouver les autres émissions, vous allez sur Google, vous tapez autour d'un VR et vous avez toutes les émissions, les interviews. Les best-of, les tops, les émissions bourrées, l'émission bourrée. Voilà, on a tout laissé, donc voilà, c'est facile de nous redécouvrir. Voilà, et ben, si on a fait le tour, messieurs, je pense que on peut se dire à dans deux semaines. On va se dire à dans deux semaines. En espérant que dans deux semaines, on aura un carton plein de news et les PSVR 2 sur les yeux. Ah non, ça fait déjà un mois qu'on fait la vanne. On va recevoir nos PSVR 2, nanania. Donc non, c'est bon. On les a pas, c'est mort. Bientôt. Sony va pas nous les envoyer. On voit le bout du tunnel. On voit la petite lumière au bout du tunnel. On la voit, mais elle est encore. Mais ça va popper du jour au lendemain sur un tweet. Ouais, on sait comment ça va se passer. Comme une bonne. Mais ça va être du jour au lendemain. Il va y avoir des précos qui vont être lancés. Tout le monde va se jeter dessus. Ça va être l'enfer. Et après, ben, on va partir en vacances d'été ou on va partir. Et puis on va attendre 5 ou 6 mois. C'est sûr. Ça peut tomber demain. Enfin, pas le vendredi, mais ça peut tomber la semaine prochaine. Ça peut. Après, je me demande, est-ce que ça va vraiment se faire scalper comme des PS5, étant donné que c'est un accessoire, c'est de la VR, que t'as besoin d'une PS5, Non, bon, tu vas avoir, par contre, t'auras des packs PSVR 2, PS5, ça c'est possible. Il n'y en aura pas beaucoup, il y a une hype autour du PSVR 2, ça va scalper à mort. Ouais, je pense aussi, ouais. S'il y en aura, je prédis. S'ils en tapent 1 million sur le lancement, sur le monde entier, ça veut dire qu'en France, on en aura quoi, 20 000 et ça va partir en une journée, quoi. Bon, oublie pas, le rat a du flair. Il sent les bonnes affaires. Donc il va y avoir des PSVR 2, hop, il va s'en mettre sous le coude et puis après, il va les revendre sur eBay à des prix exorbitants. Il y a Amazon, Fnac. Rappelez-vous de la PS Vita qui a commencé avec un écran OLED et qui a fini avec un écran LCD. Donc il y a ça aussi. Si vraiment le marché devient difficile, c'est pas impossible que le PSVR 2 se retrouve dans une deuxième version avec un LCD.